Cette entrée en scène, cette pose et l'air du Brésilien déterminèrent deux mouvements de curiosité mêlés d'angoisse, identiquement pareils chez Crevel et chez le baron. Ce fut chez tous les deux la même expression, le même pressentiment. Aussi la manœuvre inspirée à ces deux passions réelles devint-elle si comique par la simultanéité de cette gymnastique qu'elle fit sourire les gens d'assez d'esprit pour y voir une révélation. Crevel, toujours bourgeois et boutiquier en diable, quoique maire de Paris, resta malheureusement en position plus longtemps que son collaborateur, et le baron put saisir au passage la révélation involontaire de Crevel. Ce fut un trait de plus dans le cœur du vieillard amoureux qui résolut d'avoir une explication avec Valérie. « Ce soir, » se dit également Crevel en arrangeant ses cartes, « il faut en finir. » « Vous avez du cœur, » lui cria Marneff, « et vous venez d'y renoncer. » « Ah, pardon, » répondit Crevel en voulant reprendre sa carte. « Ce baron-là me semble de trop, » continuait-il en se parlant à lui-même. « Que Valérie vive avec mon baron à moi, c'est ma vengeance, et je sais le moyen de m'en débarrasser, mais ce cousin-là, c'est un baron de trop. Je ne veux pas être jobardé, je veux savoir de quelle manière il est son parent. »